Elias. À Buenos Aires, en 41, un poète, incarné par le fougueux Sébastien Ricard, est incarcéré par le personnage d'un tango, dont il est lui-même l'auteur. Sébastien Ricard, Brigitte Henkens, Denis Plante et son ensemble Tango Boréal proposent un spectacle politique et musical où le réel côtoie le fantastique. Mon père! Père! Père! Un soir seulement. Québec en toutes lettres, du 20 au 28 octobre. Découvrez la splendeur du vertige. Ce soir, à l'aérospatiale, sorcières comme les autres. Marcel Barbeau, au Musée national des beaux-arts du Québec, le Salon des impostures de Folie Culture et Julie Bouffard en entrevue. Bonsoir à tous et à toutes, où que vous soyez, à la maison, en voiture, à l'atelier ou ailleurs, vous écoutez le magazine radio entièrement consacré à l'univers des arts visuels à Québec. C'est l'aérospatiale sur les ondes de CKRL 89.1. J'en tiens la France au micro pour passer la prochaine heure avec vous. Notre chroniqueuse Myriam Leland va venir parler des sorcières avec nous et plus particulièrement d'un court-métrage d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Et justement, ce sera son grand-père, Marcel Barbeau, dont il sera question avec la chronique de Sophie Lessard, La Tendresse. Ensuite, en deuxième demi-heure de l'émission, Laurence Belzile vient nous parler d'une expo et d'un catalogue qui sont signés Folie Culture. Donc, en entrevue, elle va venir nous parler de ce qui se passe à Folie Culture. De ce temps-là, il se passe beaucoup de choses. Et puis, la dernière mais non la moindre, l'artiste Julie Bouffard va venir nous présenter deux expositions dans lesquelles son travail est présenté là, hier et demain. Là, ben, on va revenir là-dessus en fin d'émission. Restez avec nous. Et pour l'instant, je vous présente le choix musical de Simon Roy cette semaine. C'est Mocky McFly. C'est un artiste philippin qui nous fait une musique down-tempo avec une groove assez funky. Donc, une belle découverte qui met du soleil dans notre journée froide d'automne. Donc, au retour de cette petite pause musicale, c'est Myriam Leland. Bonsoir, Myriam Leland. Bonsoir, gentillane. Donc, tu nous as proposé, avec cette arrivée de l'Halloween, tranquillement, la semaine prochaine, tu as eu cette idée, en fait, en tombant sur un court-métrage d'Anaïs Barbeau-Lavalette, de nous parler des sorcières. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est un court-métrage sur lequel j'ai tombé il y a quelques temps. Ça fait depuis avril 2017 qu'il est disponible sur le site web de la Fabrique culturelle. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'étais tombée là-dessus l'année dernière. C'est un très beau court-métrage. Avec, justement, cette approche très, très poétique qu'Anaïs Barbeau-Lavalette peut avoir avec la caméra et avec les mots et avec tant de choses. Oui, de ce court-métrage-là qui, comme je te le disais avant qu'on entre en onde, est identifié comme étant un documentaire. Par contre, comme tu le mentionnes, Anaïs Barbeau-Lavalette a toujours une touche un peu plus personnelle, un peu plus subjective, à laquelle on s'attendrait peut-être pas dans un documentaire, mais qui en fait toute la beauté, en fait. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est ça. On est un peu bercé dans cette rencontre de personnes atypiques. Oui, ben en fait, c'est là toute l'identité de la sorcière que je connaissais déjà parce que c'est un sujet qui revient beaucoup dans les dernières années dans le monde de l'art actuel féministe surtout. Puis on a vraiment ce sentiment de communauté, de faire partie de quelque chose. Mais dans ce court-métrage-là, ça me l'a fait découvrir un peu plus en profondeur, de façon peut-être un peu plus humaine. Que Anaïs Barbeau-Lavalette a réussi à accomplir là, à travers ce tournage-là. Puis dans ce film-là, il y a la question de la transmission, parce qu'on a des mères et des filles. Oui, c'est ça. Tu me devances, tu as tout compris ce dont je voulais parler. J'ai envie de commencer en fait par te demander, toi, c'est quoi pour toi une sorcière? Pour moi, une sorcière, c'est quelqu'un qui possède un savoir-faire extraordinaire, un savoir-faire qui est très, très précieux parce que c'est quelque chose qui se transmet d'une personne à l'autre et qui se transmet pas nécessairement dans les livres. J'associe souvent beaucoup la figure de la sorcière à la figure de l'herboriste. Oui, c'est ça. Mais en fait, il y a deux sorcières, trois sorcières qui font partie de ce court-métrage-là. Donc, une qui est interviewée seule, et une autre qui est avec sa fille, en fait. Les deux sont sorcières, gardiennes de feu, pour être plus précises. Puis, en fait, les définitions qu'elles donnent, elles utilisent des mots différents, mais ça revient souvent à cette connexion avec la nature, mais la nature au sens large, la nature humaine aussi. Il y a vraiment ce sens-là de communauté, justement, de connexion avec les cycles de la nature et de considérer que tout est vivant dans la nature. Il y a quelque chose de l'animisme. Exactement. Que tout est vivant et que tout ce qui est vivant vaut la peine d'être respecté, justement. Donc, on a vraiment des valeurs fondamentalement féministes, mais aussi libérales, si on peut dire, au sens plus large, mais simplement foncièrement humaine, de respecter tout ce qui se trouve dans notre environnement. Oui, tout à fait. Puis, à une époque comme celle d'aujourd'hui. Il y a quelques semaines, on s'est fait annoncer que l'avenir de notre environnement, il y avait un décompte qui était vraiment inquiétant. C'est sûr que de revenir à des valeurs comme ça, où on se rapproche de la nature, où on la traite avec respect, c'est très, très d'actualité. Mais il y a comme quelque chose aussi d'un pas un retour, mais il y a eu ce moment fort-là dans les années 70, et il y a comme un retour dans les dernières années de ces intérêts-là pour la sorcellerie, pour cette espèce de connexion très, très, très proche avec la nature. Exactement, puis j'ai l'impression que c'est en lien justement avec ce climat un peu instable dans lequel on vit, autant au niveau de l'environnement que de l'atmosphère humaine, le bigotisme, pour utiliser un anglicisme, en fait, se fermer aux gens, cette crainte de l'autre. Oui. J'ai l'impression que c'est le retour de la sorcellerie, surtout dans le monde culturel, justement. C'est peut-être en réponse à ces dangers-là qui tourne dans notre environnement en ce moment. Bien, il y a un acte de résistance aussi. Oui. Quand on parle de la peur de l'autre, c'est quelque chose qui stigmatise les sorcières, qui ont fait état d'un génocide dans les années du Moyen-Âge. Donc, il y a quelque chose entre la sorcellerie et la peur de l'autre qui est très, très lié aussi. Donc, de se placer, de se revendiquer en tant que sorcière, c'est de faire comme « ayez peur ». Je m'en fous. En fait, ce dont j'ai l'impression en écoutant, en visionnant ce court-métrage-là, c'est que les sorcières ont une conscience de cette peur-là, mais c'est vraiment une volonté de se réapproprier le mot, de se réapproprier le pouvoir qui vient aussi avec la sorcière. Il y a une belle définition, en fait, justement, dans le court-métrage qui définit la sorcière comme une femme ayant le pouvoir de changer le monde, d'avoir un impact sur son environnement humain ou naturel. Et j'ai trouvé ça beau parce que si on sort ça de son contexte, on pense pas à la sorcière, c'est quand même un beau pouvoir, justement, que de pouvoir changer le monde, puis d'instiguer cette envie-là aux gens. Donc, je pense que oui, c'est un peu de la même manière que le mot queer a été réapproprié par justement les personnes qui se considèrent comme queer. Si c'était quelque chose de péjoratif, ça peut encore être utilisé comme quelque chose de péjoratif, mais de se réapproprier ça, c'est de dire écoute, je sais qu'est-ce que tu penses de moi, mais c'est pas ça que je suis en réalité, puis je vais te le montrer, puis je vais réapproprier ma propre identité, puis on va même créer une communauté avec ça. Fait que si tu veux en être, tant mieux, mais sinon, reste à l'extérieur. Oui, ben tu parles de l'utilisation de ce terme-là, queer, mais justement, ces recherches sur la sorcellerie dans le monde actuel sont très liées aux recherches queer. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment, t'en parlais en début d'émission, c'est vraiment cette confiance-là d'être atypique. Pas nécessairement une volonté, mais une acceptation d'être atypique, d'être différent et de le voir justement comme une force plutôt qu'une faiblesse ou d'une vulnérabilité. Donc, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de beau et je pense qu'Anaïs Barbeau-Lavalette, avec les images et les mots, naturellement, a vraiment réussi à véhiculer ce message-là. Ça donne envie d'être une sorcière. Puis personnellement, j'ai vu ma mère dans cette vidéo-là, qui est elle-même... On la taquine souvent, en fait, dans ma famille, en lui disant que c'est une sorcière parce qu'elle a toujours son petit onguent pour ci, sa petite huile pour ça. Puis en réalité, mais on la taquine, mais c'est tellement un compliment parce que c'est une guérisseuse, c'est quelqu'un qui rapproche les gens, puis c'est tout ce qu'on voit dans ce court-métrage-là. Il y a rien de négatif. Puis à la fin du court-métrage, on ne voit plus les entrevues des trois sorcières dont je parlais, mais on voit défiler des images de femmes d'un peu partout dans le monde, des femmes québécoises aussi, des femmes qui militent, on voit des pancartes, des marches dans la rue, et on entend par-dessus ces images-là, la chanson « Une sorcière comme les autres », écrite par... C'est chanté par Pauline Julien, mais c'est pas chanté par Pauline Julien, mais c'est écrit par Anne Sylvestre, ah, c'est oui. ça. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Puis, en fait, les paroles sont assez frappantes de cette chanson-là. Ça va très bien avec le propos du court-métrage. C'est très, très féministe comme parole. Si tu me permets, j'en lirai peut-être quelques vers. Ben oui, fais-nous découvrir cette chanson. Oui, c'est ça. Ben, à un moment dans la chanson, les paroles vont comme suit. « Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. » C'est vraiment puissant comme parole. Puis on parlait justement de cette volonté-là de ramener la sorcellerie dans les arts actuels. Je pense que ça résume bien le discours qui est utilisé, un peu ce ras-le-bol d'être utilisé, manipulé dans la société, de reprendre le pouvoir de notre corps, de notre fonction, puis de se mettre au service de la communauté, justement, que ce soit par la guérison ou simplement par l'inclusion de d'autres personnes dans un groupe d'atypiques, justement. Wow, merci beaucoup Myriam Leland. Donc ce court-métrage réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette, on peut le visionner sur La Fabrique culturelle. Exactement. Et il s'intitule « Sorcières comme les autres ». du titre de cette chanson oui. dont tu viens de nous lire quelques strophes. Donc, nous, on va partir en petite pause musicale avec toujours la suggestion de Simon Roy et c'est la pièce Changs de Mocky McFly. Sophie Lessard, la tendresse, bonsoir. Bonsoir, Gentiane. Donc, t'es allée voir l'expo qui couvre la carrière de Marcel Barbeau au Musée national des beaux-arts du Québec. Comment t'as trouvé ça? Génial, vraiment. Donc, c'est la première, en fait, c'est la première rétrospective de l'artiste dans une institution muséale, en fait, au Canada. J'oserais même dire dans le monde. Je pense que je m'avance jusque-là. Rétrospective qui est chronologique, la scénographie qui est tout simplement incroyable, puis qui se déploie en fait dans le pavillon La Sonde. Donc c'est des salles qui sont très grandes et les œuvres de Marcel Barbeau aussi vers la fin de sa carrière qui sont vraiment exposées là, dans les salles. C'est des œuvres qui sont monumentales aussi. Donc la superficie des salles est très bien exploitée, je dirais. Wow. Et donc on a cette espèce de rapport là où l'œuvre vient comme nous englober là, puis on oui, a comme en fait, toute on la a place vraiment, pour le vivre. Oui, on a vraiment un rapport dans l'espace qui est super intéressant. Puis Marcel Barbeau lui-même dans sa carrière, on peut voir une espèce de progression. Donc faut savoir que Marcel Barbeau c'est un peintre automatiste. C'est Evelyne Baudry, donc la commissaire d'exposition qui est aussi conservatrice au Musée des Beaux-Arts du Québec. C'était le seul, en fait, seul peintre automatiste qui n'a pas eu le droit à son éloge, en fait, durant sa carrière. Et il a fallu qu'on attende, en fait, 3 ans là, après sa mort. Il est décédé en 2016. Ouais, donc, mm-hmm. Ouais. Mais oui, parce que c'est quand même un des artistes signataires du Refus Global qui oui. a été un peu laissé de côté parce qu'il avait une pratique très éclectique. Et, de nos jours, les pratiques expérimentales qui vont chercher des choses différentes sont peut-être mieux vues, mais à l'époque c'était pas très, non, très bien vu d'avoir un artiste qui va chercher d'un côté, qui va chercher de l'autre, puis qui étend sa recherche dans une panoplie de médias, une panoplie de questionnements là. Effectivement, c'est une recherche qui est très très très éclectique, puis on pourrait justement dire que un petit peu mise à l'avant-garde, comme tu l'as nommé, parce qu'aujourd'hui, de faire autant de recherches est bien perçu, notamment en art actuel, mais à l'époque, si on se remet vraiment dans cette époque-là, c'était quelque chose, on disait que Marcel Barbeau se perdait. Puis je reviens en fait à la dimension de l'espace de tout à l'heure, mais au début, Marcel Barbeau, qui était très proche des automatistes, qui a reçu sa formation auprès de Paul-Émile Bordua à l'école du meuble de Montréal, on peut voir des œuvres très automatistes, donc vraiment avec une facture assez spontanée, libre dans le geste. Puis plus on avance, plus Marcel Barbeau va aller dans une recherche de plus en plus formelle en faisant des tableaux de grande dimension. Mm-hmm. Donc on va voir des formats immenses, mais avec une épuration formelle. On va avoir des formes noires sur un fond blanc où on va vraiment venir essayer de questionner la nature fondamentale, je dirais peut-être, de la peinture en essayant de tromper le regard du spectateur, oui, en disant... Oui, c'est la question de la perception, oui, là, parce c'est ça. C'est quand même un des artistes phares de l'art optique au Canada. Là. Effectivement, oui. Il vient vraiment questionner ce rapport entre le fond puis la forme. Puis, Marcel Barbeau, à partir de 1964, va aller à New York, puis il a été très inspiré justement par l'art optique là-bas, puis tout comment New York, en fait, avec les lumières, le son, ça va vraiment venir stimuler son imagination. Donc, on va retrouver, et c'est très bien noté en fait dans le parcours que Evelyne Baudry a fait durant l'exposition, on va vraiment percevoir ce bouillonnement-là par la grandeur, mais aussi les couleurs en fait que l'artiste va venir chercher pour par la suite tomber dans un art qui est optique où là, ça fait vraiment mal à la rétine. On a vraiment là, une impression de vibration qui se passe, des formats qui sont très grands. Il va explorer, puis c'est ce qu'on peut percevoir dans l'exposition, il va explorer l'art optique vraiment de manière formelle avec des juxtapositions de couleurs couleurs complémentaires ou de lignes, mais on va aussi retrouver ce qu'on appelait les shape canvas. Donc c'est vraiment des tableaux objets, mais ça aussi ça vient nous questionner sur qu'est-ce qu'un tableau? Oui, c'est accroché, oui, c'est 2D, mais en même temps, est-ce que ça peut être une installation? Parce qu'on sait que pour avoir des tableaux en forme de L ou en forme de losange, des polygones hyper irréguliers, il fallait que Marcel Barbeau vienne tirer directement ses toiles sur un châssis. Donc, est-ce qu'on est plus au niveau de l'installation? Est-ce qu'on est plus au niveau peut-être d'une sculpture? Donc, on vient jouer justement avec ces notions fondamentales-là. Donc, on a une belle progression. Qu'on peut vraiment percevoir là, tout au courant de l'exposition, pour par la suite terminer aussi avec qui est pour moi en fait un petit peu mon coup de cœur dans la pratique de Barbeau, qui sont ces merveilleuses performances artistiques. Oui, parce que là on parlait de d'art plus gestuel, plus pictural, après ça une période, si on peut dire, plus optique. Oui. Et ensuite, il s'est vraiment plus intéressé à la performance, puis à quelque chose de ce qu'on appelle la Gesamtkunstwerk, un peu, de travailler avec des musiciens, de travailler en performance avec ces musiciens-là, avec le théâtre, donc d'aller mélanger les disciplines. Donc, c'était vraiment... Oui, mais Marcel Barbeau va dire qu'il va toujours... pas regretter d'être artiste, mais je dirais qu'il va toujours souffrir, en fait, de son métier d'artiste, de par la solitude, que le fait de travailler dans un atelier, la solitude que ça pouvait lui procurer. Mm-hmm. Et dans les performances artistiques, je pense qu'il va vraiment essayer de combler ce vide-là, comme tu l'as nommé, en essayant d'aller chercher des partenariats avec des musiciens, des chorégraphes également. Il va prendre un cours de danse contemporaine pour vraiment essayer d'aller au maximum de sa performance artistique. Donc, il va s'entourer de gens pour pouvoir aller dans une pratique artistique qui va sortir un petit peu de l'ordinaire. Puis, il a fait des vidéos. Suite à ça, il a fait aussi des danses. Il va lui-même fabriquer, en fait, ses propres matériaux. Donc, on parle d'un manche à balai avec un pinceau pour qu'il va vraiment essayer d'aller le plus haut possible. Puis, il va bouger au son du rythme de la musique. Puis il y a quelques parties de ces performances-là qui sont visibles à la fin de l'exposition. Donc, on peut vraiment le voir en mouvement. Il faut savoir que Marcel Barbeau avait aussi... c'est un grand mélomane. Donc, il aimait beaucoup la musique d'un compositeur allemand qui s'appelle Stockhausen. Puis Il a fait une série au début de sa carrière, justement, où il essayait de reproduire le mouvement sonore, mais sur une toile. Mais là, on est dans d'autres choses. C'est vraiment par le physique que Barbeau va essayer de retranscrire le son. Et devant le public aussi. Et devant le public aussi, effectivement. Donc, le fait de le faire en tant que performance, oui, ça change. Oui, puis moi, il y a une idée, justement, c'est pour ça que je pour moi, c'est le coup de cœur un petit peu de de l'exposition pour ma part. C'est de penser que le tableau qu'on a en face de vous, en face de nous, en fait, est autonome, oui, mais c'est aussi le résultat d'un processus artistique qui est perdu, qui a été éphémère. Ben, c'est le principe de la performance. Mais je trouve ça fantastique de pouvoir admirer, de pouvoir observer le produit fini de quelqu'un comme Marcel Barbeau à cette époque-là aussi, qui est maintenant exposé à côté de chez nous au musée. Pour moi, c'est waouh! C'est vraiment. C'est mon coup de cœur. Oui, ça fait ton coup vraiment. De cœur, Sophie Le Sang, la tendresse. Donc, cette exposition-là sur le travail de Marcel Barbeau, elle est divisée en 5 parties, c'est ça? Oui, bien, en fait, on termine. Là, je les ai un petit peu nommées avec la. Ouais. On a les automatistes, on a une période où bon, on va s'inspirer de la musique, on a l'épuration formelle, l'art optique, les performances artistiques, puis on va terminer, en fait, vers la fin de sa carrière, il va faire ce qu'on appelle les anaconstructions, qui sont vraiment des formes épurées, encore une fois, là, mm-hmm. qui nous rappellent une partie de sa carrière, mais c'est des formes on vient vraiment travailler avec le mouvement, puis c'est vraiment l'enjeu un petit peu de cette exposition-ci. Oui, parce que le titre, c'est « En mouvement ». Et oui, donc on va toujours chercher un petit peu le mouvement, soit avec le regard, par exemple, dans l'art optique, on a aussi dans la performance, littéralement, avec le côté très physique, très, très gestuel. Mm-hmm. Puis, dans les anaconstructions, il va venir le chercher par également aussi l'observation, comme... ça me fait penser en fait à des blocs de Lego, des formes qui sont superposées, mm-hmm. qui peuvent tomber ou qui vont avoir une expansion dans l'espace. Puis il va faire ça en fait, cette série-là, jusqu'à la fin de sa carrière. 70 ans de carrière quand même, Marcel Barbeau, il a peint jusqu'à la dernière minute, dernière seconde, décédé en 2016 à l'âge de 90 ans. Puis il a peint vraiment, on a des vieilles photos là où il fait ses anaconstructions. Donc un beau modèle de persévérance et très inspirant. Ouais. Ben merci beaucoup Sophie Lessard de la Tendresse d'être venue nous présenter cette exposition qui a cours en ce moment au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Donc c'est une exposition qui s'appelle En mouvement, ça couvre la carrière de Marcel Barbeau et c'est présenté jusqu'au 6 janvier. Et pardon, j'inviterai aussi les auditeurs, les auditrices qui ont aimé cette chronique. Ce soir à 19h30, il y a un entretien avec Manon Barbeau, sa fille, et Evelyne Baudry, la conservatrice de l'exposition. Donc, dépêchez-vous, il reste peu de temps. Donc, à 19h30 à l'auditorium du musée. Et nous, on part pour une pause publicitaire. Et au retour, je m'entretiens avec Laurence Belzil. CKRL. Participez à la Folle Bastringue, une grande fête de la culture traditionnelle, les 26, 27 et 28 octobre prochains. Le public de tous âges est invité à 3 journées d'activités gratuites avec plus de 35 occasions de découvertes. Forge, chant de gorge, jeux inuits, herboristerie, accordéon, gigue et fléchés. Les festivités seront lancées le vendredi 26 dans divers lieux de la ville. Au menu, ateliers, conférences, spectacles et quiz-trad. Samedi et dimanche, la fête se tiendra dans le plus beau décor automnal de la ville, au domaine Cataraqui à Sillery. Démonstrations, expo vente d'art populaire et d'artisanat, courts-métrages et classes de maître. En soirée, la grande veillée de contes et de danses déguisées vous fera perdre la tête. La Folle Bastringue, une occasion idéale de se familiariser avec les arts traditionnels et de célébrer les 25 ans du Conseil québécois du patrimoine vivant du 26 au 28 octobre. Programmation détaillée à patrimoinevivant2018.org. L'émission de cinéma Situation Critique, c'est 8 chroniqueurs qui se succèdent au micro pour vous parler des films à l'affiche et de l'actualité cinématographique. Situation Critique, chaque mercredi, 18h30, aussi disponible en balado-diffusion. Une présentation du Cinéma Le Club, le cinéma d'ici et d'ailleurs. En collaboration avec Premier Acte, la Caisse des Jardins de Québec et Québec en toutes lettres, Camp présente Radis, d'après la vie et l'œuvre d'Antonine Maillet. Je suis qui, moi, papa? Je suis ni française, ni anglaise, ni québécoise, ni rien en tout. Qu'est-ce que je suis d'abord? T'es acadienne, Radis? L'Acadie, c'est pas un vrai pays. L'Acadie, c'est plus un pays dessiné sur une carte. Ben, on est Acadien. Puis on va le rester tant qu'on va se souvenir d'où on vient. Radis, une ode à l'imagination, au refus des conventions et à la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Présenté à Premier Acte du 23 au 27 octobre. Pour information ou l'achat de billets, premieracte.ca. Le 27 octobre, l'Halloween, ça se fête à la Korrigan, dans un décor macabre de circonstances. Concours de décoration de citrouille, concours de costumes, prix de présence, bière à la citrouille et autres cocktails et shooters monstrueux. Dès 22h, la piste de danse s'anime au son du groupe The Black Coffees. 5$ à la porte, gratuit pour les gens costumés. Brasserie artisanale La Korrigan, 380 rue Dorchester. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Pêche, programme d'encadrement clinique et d'hébergement, maison de la famille Louis Hébert, Harmonie Montmorency, carrefour d'éducation à la solidarité internationale. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Alors, j'ai en studio avec moi Laurence Belzile, donc qui vient nous parler en entrevue à l'aérospatiale de Folliculture. Il se passe beaucoup de choses en ce moment à Folliculture. Donc, toi, tu travailles à Folliculture, tu es adjointe à la direction, c'est ça? Non, je suis coordonnatrice à la programmation, oui. Excusez-moi, j'efface tout ce que je viens de dire. La balado va s'occuper de le garder. Donc Laurence, tu voulais nous parler de... Ben, il y a une exposition en cours, mais lors du vernissage de l'exposition, il y a eu le lancement du catalogue du Grand Banquet du 33e. Oui, effectivement. Donc, un très, très beau catalogue. Oui. Le Grand Banquet du 33e, c'était l'année dernière, c'était le 33e, parce que Folliculture ne fait jamais les choses comme les autres. Donc, on ne fête pas un 10e, un 15e. On fête un 33e parce que ça sonne bien. Ça sonne un peu fou. Et puis, donc, c'était un grand banquet, ça se passait à la salle multi de Méduse et il y a 33 intervenants, intervenantes qui sont venus faire une intervention de 3 minutes 33 secondes. Effectivement. Donc, on reste dans le thème. Puis, c'est quand même assez intéressant parce que là, on parle de Folliculture, on cherche à briser un peu les contraintes. Et puis là, on en avait des contraintes là, pour ces intervenants-là. Oui, bien en fait, eux, il n'y avait pas une contrainte sur ce qu'ils devaient présenter, mais effectivement, 3 minutes 33 secondes, c'est assez top chrono. Oui. Après, il ne faut pas passer la nuit non plus là-dessus. Donc, un très, très bel événement avec une grande table, avec un principe d'assiette, un animateur de soirée, tout et tout. Et des participantes très, très éclectiques qui venaient de tous les horizons. Là. Oui, en fait, c'était 33 collaborateurs qui avaient pris part au parcours de Folliculture dans les 33 dernières années. Donc, il y avait certains que c'était des membres fondateurs, d'autres c'est des artistes qui ont contribué. Alors, c'était vraiment 33 personnes de divers horizons. Donc là, on les nommera pas toutes parce que ça sert à rien de nommer 33 personnes à la radio. Mais il y a 4 auteurs qui ont été invités. Ils étaient pigés au hasard. En fait, oui, on avait 4 auteurs. Donc, on avait Anne-Marie Bouchard, qui est historienne de l'art. On avait Hélène Corin, qui est psychanalyste. André Cédrinville, qui est professeur au département de sociologie de l'Université Laval, puis Alain Martin-Richard, qui est artiste et critique. Puis, ces 4 auteurs-là, ils ont effectivement tiré pigé au hasard les interventions sur lesquelles ils devaient écrire. Et c'est cette ces textes-là qu'ils ont écrits sur les interventions qui se retrouvent dans la publication. Et c'est où qu'on peut se procurer ce livre-là qui est produit par Folliculture? Ce livre-là, il est disponible en ce moment au bureau de Folliculture qui est au 335 rue Saint-Joseph. Oui, juste en haut de nos cousins de Sequoia. Oui, exactement, dans les bureaux au cinquième étage. Et ben, on va le distribuer à plus de places, mais pour le moment, c'est vraiment au bureau. Sinon, à l'exposition qui est en cours au Salon des impostures, qu'on a quelques copies qui sont en vente. Donc, parlons de cette exposition, le Salon des impostures. Donc, c'est une exposition qui, je crois, fait suite à cet appel de dossier, de cette thématique annuelle, de programmation annuelle de Folliculture. On parle de postes, beaucoup de choses, donc dont de postmodernisme en art, mais ça fait un peu longtemps qu'on parle de postmodernisme. Puis là, on est rendu qu'on parle de post-post, on sait plus, on parle de hyper. Et là, le comité de programmation, j'imagine, de Folliculture a décidé que ça serait à poste. Donc, on refuse l'existence de ce poste, dans oui, le fond. On brise le poste. On brise le poste. Donc, dans ces œuvres qui sont présentées au sein du salon des impostures, il y a quand même une réflexion sur le temps, sur le futur, sur où est-ce qu'on s'en va, est-ce que le présent, il y a quelque chose de commun aussi dans ces pratiques-là qui réfléchissent ce poste sans vouloir le réfléchir. Effectivement, oui, tous les artistes apportent vraiment la réalité de manière très différente puis d'une manière très ancrée dans le temps, effectivement. Donc, on a différents artistes qui soit vont parler d'un futur ou nier le futur ou parler peut-être d'une réalité parallèle à la nôtre. Donc, oui, vraiment, ils se réunissent pour avoir un dialogue qui est quand même unique à chacun d'eux sur cette dimension-là. Ouais. Et on a des artistes de Québec, mais on a également des artistes de France. Donc, oui. Cet appel de dossier-là s'est rendu jusqu'en France et on a eu des propositions de la part d'artistes français, oui, c'est ça? Effectivement. On a deux artistes français qui nous ont proposé des projections vidéo. Puis il y a Maximilien Raoul qui, en plus de sa projection vidéo, qui nous a fait une intervention SMS durant le soir du vernissage. Oui, parce qu'il y a eu des performances le soir du vernissage. Moi, je ne suis pas allée au soir du vernissage, mais je suis allée voir l'exposition. Donc, j'imagine que, par exemple, cette œuvre d'Allegria, le Mégobeille, elle a été réalisée lors d'une performance. En fait, l'œuvre d'Allegria a été réalisée en deux temps. Alors, il y a une section de son installation qui a été réalisée vraiment avant la performance. Donc, c'était déjà là sur le lieu. Puis, en fait, Allegria, c'est deux sections de texte qu'elle nous présente. Puis, il y a une des sections qui a déjà été réalisée. Puis, l'autre, elle l'a rajoutée vraiment durant sa performance où elle faisait la lecture de son texte. Donc, une très belle intervention in situ où le texte se défile, donc telle une ligne noire à la hauteur des yeux sur le mur. C'est très, très minimaliste. Vraiment. Il y a vraiment quelque chose de... Puis on a le goût de s'approcher. Donc, il y a un rapport au texte qui est très, très beau et le texte qui est très intense, très touffu. Il y a un fond théorique assez, assez profond. Là. Oui, en fait, c'est une lettre ouverte qu'elle reprend. Puis, c'est pas une lettre ouverte qu'elle appuie, en fait. C'est une critique par rapport à un futuriste reproductif. Puis, elle reprend cette lettre-là, puis elle essaie de le mémoriser. Puis, en fait, c'est sa tentative de mémorisation qu'on voit au mur. Et une installation d'un duo ad hoc de Julien Lebargie et Antoine Lortie. Oui. Là, on est dans le futur, on est dans l'espace, on est dans cette espèce d'univers que les deux entretiennent dans cette œuvre-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette œuvre-là? Tout à fait. En fait, c'est un beau projet qu'ils ont, Julien et Antoine. Il y avait déjà développé une première partie de ce projet-là lors de l'événement POST de mai. Puis là, il nous présente comme une deuxième partie du projet qui est une installation sculpturale, picturale, puis également une installation sonore qui l'accompagne. Alors, le duo avait comme projet d'enterrer la Terre et de recouvrir la Terre de milliards de boîtes hexagonales qui appartiendraient à des individus ou à des entreprises, puis qu'ils pourraient remplir d'artefacts de leur choix. Puis il nous montre un peu un exemple de ce que ça pourrait avoir l'air. Donc une espèce de prototype, ouais, exactement. Projet pilote. Et il y a également une œuvre de Charles-Étienne Brochu qui sort un peu de sa zone de confort. On le connaît pour ses œuvres papier, on le connaît aussi pour ses gifs, mais là, il nous transporte dans un univers tridimensionnel. Ah oui, vraiment, ça vaut la peine de venir voir de quoi ça a l'air. Et participatif. En vrai, oui, tout à fait. En fait, c'est ça part d'un projet de réalité virtuelle qui a développé cet été Asporobol. Mais là, c'est pas une réalité virtuelle, c'est vraiment une version projetée, mais qui est quand même interactive. Alors, on a une espèce de petite manette là pour se promener dans ce monde-là qui nous offre, qui est... Ça fait un peu peur parce qu'il y a... Mais c'est sûr que quand on parle de poste ou de aposte, si on parle de aposte, on n'a pas le choix de parler de poste, mais il y a toujours cette idée aussi de post-apocalyptisme qui est très, très présente dans le film hollywoodien, qui est très présente dans l'imaginaire actuel. On parle de problèmes environnementaux, on parle de choses comme ça. C'est tout le temps une espèce de peur qui peut s'installer, puis on dirait qu'il y a quelque chose de ça dans les œuvres qui sont présentées au Salon des impostures. Oui, bien surtout dans l'œuvre de Jean-Michel Roland, oui. En fait, qui est projetée au sous-sol, donc il faut s'y rendre, puis c'est un peu... il reprend une chanson de Partisan, qui est en fait une chanson de résistance, puis il change les paroles, certaines des paroles pour allemand, pour Internet, par exemple, puis il refait la lecture avec une voix qui est virtuelle, là. Je sais pas où il l'a pris, je pense que c'est Google, mais... Puis une voix générée par ordinateur. Ouais, exactement. Mm-hmm. Ouais. Donc, il y a quelque chose de très inquiétant. En plus, c'est comme dans le fond du sous-sol, là, on n'est pas sûr quand on rentre dans cet espace-là, parce que c'est un espace très particulier, on n'a pas encore dit c'était non. où. Donc, c'est sur la rue Saint-Joseph, oui. Dans l'ancien local de Champagne Chocolatier. C'est au 783 rue Saint-Joseph, en fait, pour être plus précise. Donc, merci beaucoup, Laurence Belzide, d'être venue nous parler du Salon des impostures, donc qui est présenté jusqu'à dimanche. Chers auditeurs, chères auditrices, dépêchez-vous d'aller voir cette belle exposition-là et d'être venue nous parler du catalogue du Grand Banquet du 33e de Folliculture. Nous, on va prendre une petite pause musicale et au retour, on s'entretient avec Julie Bouffard. Donc, je disais allô à Julie Bouffard. Julie Bouffard, artiste en art visuel, tu travailles la photographie, le GIF, la vidéo aussi, je crois. Et tu viens de terminer une exposition, tu en commences une autre. Donc, j'avais le goût de t'inviter pour parler un peu de tout ce qui se passe dans ta vie artistique en ce moment. Donc, la fin de semaine dernière, une exposition de courte durée chez Critérium. Exact. Donc, où tu... t'exposer des photographies, mais il y avait vraiment une mise en espace très installative, même si c'était seulement qu'au mur, là. Oui, bien, dans le fond, avec cette exposition-là, je voulais vraiment jouer avec l'espace, le lieu de Critérium, qui est assez particulier en soi. Il est très petit, il est régulier, très haut, il y a ces belles espaces de vitrines là aussi que je vais vraiment mettre en valeur. Puis c'est ça, le travail s'inscrit dans, j'ai du temps quand même aussi pour penser, faire un plan assez poussé pour vraiment faire vivre ce lieu-là. Autant avec les photographies qu'avec des projections, des installations vidéo aussi dans la vitrine. Donc, c'est ça, comme tu as dit, c'est l'exposition qui termine ma maîtrise. Donc, c'est un projet de qui va en lien avec ma recherche aussi, là, qui s'intitulait Le Grand Tour. Oui, Le Grand Tour. Donc, il y a quelque chose de... Il y a une importance, j'ai l'impression, de la flânerie, de l'observation dans ta pratique. Donc, il y a de ça dans Le Grand Tour? Oui, ben c'est ça, le Grand Tour, ben pour les personnes qui ne savent pas, c'est un terme qui était utilisé pour décrire les voyages que l'élite, la bourgeoisie anglaise faisait. C'était comme un passage obligé. Exactement. Donc, pour les jeunes Québécois, on va dans l'Ouest en sortant du cégep. Et donc là, on change de siècle et les jeunes Britanniques devaient faire le tour de l'Europe et devaient passer par l'Italie. Exactement. Et justement, cette idée, comme tu as dit, de flânerie, de prendre des bouts de lieu, d'aller... plus observer, quelque chose de quand même assez contemplatif aussi, que je voulais mettre en place dans cette exposition-là, puis ça reprend un peu justement l'idée de Grand Tour, la synthèse du voyage et tout ça. Là. La découverte de nouveaux espaces. Exactement. Plusieurs photographies qui étaient exposées et des photographies qui ne sont pas nécessairement révélatrices des lieux. Non. Dans lesquels ils ont été pris. Oui. Il y avait quand même un petit mystère aussi quant à ça. Je voulais pas que ça soit très didactique non plus. Je voulais qu'on laisse planer un petit doute de où est-ce que ces photos-là avaient pu être prises. Des fois, il y a des petits indices. Des fois, on est capable de saisir, mais on n'est jamais complètement certain. Mm-hmm. Et un ensemble de publications également qui était dans cette exposition-là, si on parle de lieu, c'est des photographies qui sont toujours dans le même lieu. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la démarche que tu as alimentée dans ces publications-là? Pour ce livre-là, c'est un projet que ça fait quand même longtemps que j'ai commencé à faire. Ça doit faire environ 2 ans que je l'ai enclenché. Là. Ça s'est tiré d'une séquence vidéo que j'avais pris... dans une gare de train, là, tout simplement. Et par la suite, quand je suis revenue de mon voyage, j'ai essayé de traduire qu'est-ce que les gens pouvaient dire dans la bande sonore de la vidéo. Fait que je me suis fait comme un espèce de dialogue un peu fictif parce qu'il a fallu à un moment donné que mon imagination à travail remplisse. Exactement, remplir les trous, remplir les mots un peu flous. Et je les ai apposés aux images. Des arrêts sur image et tout ça. Donc, ça fait une espèce de dialogue un peu fragmenté qui était divisé en 3 livres aussi, donc qui invitait à aller aller consulter assez nonchalamment aussi. Là, c'était pas une lecture très... très linéaire. Oui, ouais. Exactement. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, on peut commencer une page. Et, oui, bien, de toute façon, le discours ne fait pas de sens non plus en soi. Donc, il n'y a pas de linéarité. Donc, on est toujours dans une espèce de petit bribe, un moment présent, un mot, quelques mots d'un visiteur d'un voyageur qui passe. Donc, on est vraiment dans cette espèce d'ambiance de gare, de train qu'on retrouve beaucoup en Europe. On trouve un peu moins ici. Et tu vas... en fait, tu as une toute nouvelle exposition qui commence en ce moment à la bibliothèque Gabriel Roy. Donc, ça a été terminé d'installer ça. Tu me disais, ça n'a vraiment pas pris de temps. C'est très agréable à monter comme exposition. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Donc, éclaire-moi un peu. Là. Oui, dans le fond, c'est ça. Les deux expos, ça se chevauchait quand même assez... d'un jour, quasiment. Là. Oui, oui. Puis, je suis très étonnée que tu aies eu le temps de venir en entrevue à la radio. Elle est ouverte à partir... Elle est ouverte hier et elle est ouverte jusqu'au 11 novembre. Donc, le titre de l'exposition, c'est « Plonger sans faire de vagues ». Qui est un titre très attirant. Là, oui, il y a comme un petit mystère encore sur ce titre-là. Donc, essentiellement, j'ai voulu avec cette expo-là me concentrer sur l'eau, le mouvement de l'eau, qui est quelque chose que... au fil du temps, j'ai accumulé un gros corpus de vidéos juste d'eau ou de d'images que je rapportais, que des captures d'écran que je faisais en regardant un film. Je disais, ah, l'eau est magnifique, des choses comme ça. Et j'ai commencé à construire un espèce de corpus comme ça que je voulais mettre en espace. Mm-hmm. Puis plonger sans faire de vagues un peu, il y a comme une espèce d'hésitation aussi de comme vouloir y aller de l'avant, mais comme avec une certaine retenue aussi, là, je pense que qui me décrit bien, mais aussi décrit un peu mes œuvres aussi oui. Indirectement. Ah, ouais. Oui, oui, que, oui, de ces œuvres qui ne choquent pas, qui demandent d'être attentive, exactement, de s'arrêter, de regarder. Qui est comme dans une espèce d'entre-deux aussi. Mm-hmm. Entre deux eaux. Oui, exact. c'est ça. Encore une fois, ça mélange photographie, vidéo. Donc, une projection vidéo. Il y a une projection vidéo, un espèce de dispositif installatif vidéo aussi, et des images, même des images encadrées, chose que je fais rarement là aussi. Les images proviennent, toutes les images photographiques proviennent de captures d'écran. Mm-hmm. C'est ça, c'est des, comme je disais, c'est des films aussi que je regardais, puis je trouvais que l'eau était captante, fait que je faisais juste des crops aussi, fait qu'il y a comme quelques petites parties de discours aussi qui sont assez intrigantes là-dedans, qui est comme un petit... Donc, c'est pas nécessairement des photographies que t'as réalisées sur le site en prenant la surface de l'eau. Non, c'est ça, c'est pas une captation, un enregistrement réel de la chose en tant que telle. Donc, il y a comme une espèce d'appropriation. Exact, oui. Puis, il y a aussi... donc, c'est comme... Est-ce que tu fais de la recherche là-dessus, ou tu fais comme juste te laisser guider par ton quotidien et faire, OK, là, je m'arrête, je prends une capture de ça, ou est-ce que tu pars à la recherche sur Internet? Non, c'est vraiment pas une recherche, ouais. C'est plus... Ben, mais je me dis pas comme, OK, aujourd'hui, tu je passe... Tu ne plonges pas en non, faisant exactement, plein de clubs. Ça, ça, je regarde quelque chose, puis je suis comme, oh, wow! Ou je trouve qu'il y a comme quelque chose d'intéressant, fait que je prends contrôle, pomme carte... Oui, on le connaît par cœur. Exactement, et je prends en photo mon écran, et après, je mets tous ensemble, puis je vois que certaines associations, bien sûr, ne marchent pas, mais il y en a d'autres qui deviennent intéressantes, puis c'est celui-là que j'ai décidé de garder là, pour cette expo-là. Très, très intéressant, Julie Bouffard. J'ai hâte de découvrir cette exposition-là. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, vous avez jusqu'au 11 novembre pour aller voir cette exposition à la bibliothèque Gabriel Leroy. Merci. Et nous, on va partir pour une pause avec la pièce « Soucoupe volante » d'Ala Claire ensemble. Dans le centre ville de béton, ça rue la plante. Qu'est-ce que je vois pas? Une soucoupe volante. La place était noire de mon pas noir qui brûlait en dessous des étoiles qui faisaient triste lampe. C'est genre 6-6-7 et pas seul de sang. Je croise un loup qui me fait pisse comme une grosse colombe. Il me dit, je te reconnais quelque part, je peux-tu vendre ma sonde? J'avais juste ses headphones, sa tête avant, je réponds. Le beat était pas pire, le bout était pas pire, mais ça faisait un crêpe, à quel point qu'il y a de l'huile. Merci bien pour ton mot de version du même shit, mais je te rip for Austin, le main, je te skip. Parce que t'es d'autres poissons, un jour on va voler aux poissons. Retourne au ruisseau pour ressouper, pêcher d'autres poissons. Nos soucoupes, nous sont pas même incompacts. Ça juste saleté le lourd et le brûlé sur un CD vierge. Me support de record. Spin those maisons pour CD deux bars. Le vaisseau pas encore connu de la menace des transports. Tu sais que brûle, c'est dans ton PC, mais dans ton Mac. Ton mégidimigidimigidimigidimac. Oh! T'es un astronaute, j'ai le check-up à gauche, check-up à droite. Oui, pas de limite si tu poignes les manettes. Y'a un astéroïde, check direct en net. Je suis fait abductionner, je ne sais pas où c'est. Donc, c'était un extrait de Soucoupe volante d'À la claire ensemble, notre super belle bande de fous hip-hop rap de Québec et de Montréal. Et donc, on est à l'aérospatiale. Je vous présente l'agenda de la semaine pour tous les événements à ne pas manquer dans le monde des arts visuels à Québec. Et vendredi, c'est à la coopérative Méduse que ça se passe, parce que du côté de l'œil de poisson, d'Engram et de la bande vidéo et de vue, il va y avoir des vernissages. Donc, à l'œil de poisson, Dominique Sirois, Simon Deroy et Andréanne Jacques qui y exposent et qui débutent leur exposition. Chez Engram, Fred Laforge et Eddie Firmin ont uni leurs talents pour monter une exposition. Et à la bande vidéo, Samuel Fouracre présente Dance Music Sex Romance. Et à vue, deux expositions, Le Rock d'Hercé de Thomas Bouquin et Onde Lumineuse qui regroupe les œuvres de José Pedneau, Mélanie Lettori, Matt Haye et Bertrand Carrière, donc qui est le résultat d'un échange avec l'Écosse. Également, c'est bien beau d'aller à Méduse, mais il y a également un vernissage à Metteria vendredi. Donc, c'est le vernissage de Lindsay Montgomery qui nous présente Neo Historia. Et dimanche, Plongée sans faire de vagues, donc l'expose dont on parlait avec Julie Bouffard, donc l'artiste va être présente à la bibliothèque Gabriel Roy de 14h à 16h pour rencontrer le public. Et du côté de Michel Guimond, c'est le vernissage à partir de 13h de Kiernan Dare, Tyler Metzger, Fornip. Et c'est la dernière semaine pour voir l'exposition de la Biennale internationale du carnet d'artistes à la maison Tessier dit la plante dont on a parlé là à la première émission de la saison. Également à Lévis, la Friche Québec-Lévis de la membre Angela Eve Marsh est encore en exposition jusqu'à dimanche dans la vitrine des membres. Cosmopolite, Enfante et Arabesque, l'exposition de Tania Morand se termine également dimanche à la salle Jean-Paul Lemieux de la bibliothèque Étienne Parent. Et le Salon des impostures dont on vient de parler en ondes là, avec Laurence Belzile. Donc, cette exposition de folliculture est présentée au 783 rue Saint-Joseph-Est dans l'ancien local de la chocolaterie Champagne. Merci d'avoir écouté cette émission, chers auditeurs, chères auditrices. C'est ainsi que cet épisode se termine. Je vous rappelle que vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatialecrl.wordpress.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, nous suivre sur Instagram. On met des photographies des expositions qu'on va voir sur Instagram. C'était Gentiane Lafrance avec vous à l'animation pour cette édition de l'aérospatiale. Un grand merci à nos invités, Julie Bouffard et Laurence Belzile, à nos chroniqueuses Myriam Leland et Sophie Lessard-Latendresse. Merci à Jacques Gignac, le Osias, le duc de la mise en onde. Et merci à Simon Roy pour les pauses musicales toujours appréciées. Restez à l'écoute de CKRL 89.1 pour plonger dans le monde du cinéma avec Pierre Blais et son équipe à l'émission Situation critique juste après la pause publicitaire. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL, communication, culture. Ce vendredi, l'Engrenage de Saint-Roch vous invite à une fête d'Halloween remplie d'activités gratuites. Dès 15h30, les familles sont invitées à faire la collecte des bonbons dans les commerces et organismes de Saint-Roch et Saint-Sauveur. De 16h à 18h, des activités variées seront offertes devant la bibliothèque Gabriel-Leroy et à la Nef. Prenez garde aux magiciens, ils pourraient faire disparaître vos bonbons et la fête se termine à 19h30. Pour plus de détails, consultez notre site web au www.engrenagestroch.org. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Isabelle de la succursale Saint-Roch vous suggère « La haine qu'on donne », un roman jeunesse d'Angie Thomas. Lorsque son ami Khalil est tué sous ses yeux par un policier trop nerveux, tout devient un véritable combat pour Star. Elle tentera de faire le pont entre sa vie turbulente dans le ghetto et celle autoritaire de l'école privée où elle étudie pour que le jeune homme obtienne justice.